La vie est trop courte, on a perdu des reflets. Pas tant pour les regrets, ça je l'ai appris d'entrée. On a tout fait, rien à prouver, retourne faire le fou en récré. J'affole les compteurs en air retrait, tu me fais chef comme le mec dans ton clip en retrait. Ramène ta carcasse par ici, on va te calater. J'bois un verre de yop avant mon 16, j'ai la voie lactée. Hey, mon père m'a dit, suis-moi, marche droit, mon fils est tiré à loin. Pas comme notre bouseux qui fout le bordel à 3h du matin. On a atteint la vingtaine, on n'est plus des mômes. Avant les grands disaient que le monde est stone. Maintenant on sait que c'était pas que des mots. J'préfère pas. C'est pour un dingue plutôt que devenir fou. Dans une main j'ai le flingue, dans l'autre un képou. L'amour est puissant, l'amour est violent. Laisse pas traîner ton fils, l'amour est glissant. Bla bla bla, qu'on court pas après la balle comme Nadal. On est des chiens de la casse parce qu'on a toujours trop la dalle. Depuis tout petit on veut atteindre les sommets. J'ai trop attendu passer ma jeunesse à sonner. Attends bouge pas, la gloire sonne, regarde l'heure qu'il est. La tête pleine de billets, les jaloux veulent le killer. 90 tonnes emballées, c'est pesé. Dans le peurage bien posé, qui est le boss mon frère, tu sais qui c'est. Prête, partez, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. 2090 c'est le vacarme ici. Ma petite ville est devenue Arkham City. J'ai les lyrics fatales, brutales, écrit one, tout phénoménal. Tu connais les bons bails, pète le drame, toxicoman, timal. J'fais mes bails en Perse, Belfort et Midna S. Les bouffons, j'te les laisse. Ma mère est une déesse, la tienne, tu la délaisses. Pour tes potes, tes bitches, t'as pas honte. Toi, tu comptes sur les billets, moi, c'est les billets que je compte. Depuis tout petit, c'est le sommet que je vise. On les traumatise, ceux qui nous aiment pas, on les atomise. Marre de crever à cause de gros lard, chef d'entreprise. On repartira avec leurs euros, leurs dollars, ma devise. Depuis tout petit, on veut atteindre les sommets. J'ai trop attendu passer ma jeunesse à sonner. Attends, bouge pas, la gloire sonne, regarde l'heure qu'il est. La tête pleine de billets, les jaloux veulent me killer. 90 tonnes emballées, c'est pesé. Dans le peurage bien posé, qui est le boss, mon frère, tu sais qui c'est. Bref, partez, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet.